disent que la vie est belle. Arrête les sottises, des satires attisent la haine. Pour de l'humour, ça tire, ça tisse. Pour noyer les soucis et les coups qui nous blessent aussi insensibles. Je ne suis pas et pas moins qu'insensé. Donc j'ouvre les yeux, mate les mensonges de l'état. Un coup d'œil vers les yeux en attendant qu'il se rétame. Zik et buzz pour passer le time. Les minots, eux n'en ont pas. Donc bâcle les étapes pour passer le PZ-A en braquant le Beretta. L'heure est à la guerre, l'âme est taclée à la gorge. C'est bête pour des têtes de mecs, des têtes tombent à la gorge. Du respect y'en a plus, de la violence y'en a plus. La prison ça t'a plu, donc forcément t'en abuses. Mais souviens-toi qu'on a qu'une vie, donc profite-en poteau. Souviens-toi qu'on a qu'une vie, donc évite de caner en moto. Prendre des risques pour le fun, je te le déconseille. Sache que c'est trop tard, quand c'est dans le cercueil qu'on siège. Je veux pas noyer les joues de ma mère pour une bêtise stupide. Donc je me tiens loin des emmerdes, mec tu piges. Les petits merdeux n'ont plus de morale et détresse 14 piges. Pendant que les petits vieux en détresse n'ont plus le moral. C'est la vie normale, quoi, tu t'attendais à mieux. Mais dans quel monde vis-tu? Y'en a même qui tuent au nom de Dieu. Des gamines tapinent pour amener la maille au foyer. Faudrait les vous voyer, elles ont plus de courage qu'une bande de fous alliés. La fraternité n'est plus qu'une banalité. T'as pas idée à quel point la liberté n'a plus d'égalité. L'humanité est tombée bien bas, j'te l'accorde. Comme l'envie de quitter ce monde, d'accord, je serrais par la corde. C'est vrai, j'abuse, mais en fait, c'est une image qui reflète la déchéance de cette époque. Glock, bienvenue en enfer, où tu t'enfonces facilement pour te relever. C'est pas la même, c'est pas la mer à boire. Certains diront que c'est pas la mer à croire qu'on n'aurait pas tous la même vie, les mêmes vues. C'était donc vrai, c'est les riches contre les causes perdues. Les gaz perdurent, la tête entre shit et sky. On se fracasse car les ennuis et les angoisses perdurent. Éperdument, attaché au mien. La famille c'est sacré, faut garder, attacher nos liens. Même si c'est sûr que pour certains, c'est pas toujours évident. Faut vraiment profiter des siens, tant qu'ils sont toujours vivants. Je ne peux égayer mes sons, vu le monde qui m'entoure. Faire du rap gangster des tours, égayer mensonge. Je parle avec les triples cœurs et même mon âme. C'est dans des récits sincères, mec, que j'emmène mon art. Une vision chaotique qui s'aggrave malheureusement. Si il en existe alors que les gars malheureusement. Car la marque déjà marche sur les autres. Des hommes font la guerre à des mômes, juste parce que ce sont les hommes. Je ne peux égayer mes sons, vu le monde qui m'entoure. Faire du rap gangster des tours, égayer mensonge. Je parle avec les triples cœurs et même mon âme. C'est dans des récits sincères, mec, que j'emmène mon art. Une vision chaotique qui s'aggrave malheureusement. Si il en existe alors que des cas malheureusement. Car la marque déjà marche sur les autres. Des hommes font la guerre à des mômes, juste parce que ce sont les hommes.